Que d'autres aillent se reposer dans le midi, se prélasser dans le jardin d'Éden. Il fait très noir ici, et j'ai choisi l'automne cette année pour me tenir compagnie. Je vis dans cette maison comme si elle était à un autre, comme si je l'avais rêvée. Peut-être y suis-je morte. Dans la langueur du soir, les miroirs gardent pour eux on ne sait quoi d'étrange. Je marche entre des sapins noirs très bas. La bruyère ici ressemble au vent. On voit luire un fragment indécis de lune comme un vieux couteau ébréché. J'ai apporté ici le souvenir sacré de notre dernière non-rencontre. La flamme froide, pure, légère de ma victoire sur le destin.